c'est Jules, Hardin, encore un son qui trouve Matisse, un son qui vient de la cave, des blocs et pas des platines. Cherche pas, mes frères vont t'aplatir. On arrive en renard et c'est les roues qui patinent. Mec c'est pas que, mais je veux ma part avant qu'à ham m'embarque. C'est hard, la vie me tient le maillot, faut que je me démarque. Et c'est là que, je vois que les femmes ça incle les E et là que. Tu te crois fort parce que ça y est, t'as arraché 2-3 sacs. Le rap je le tacle, faut que je marque. Des têtes il faut que j'en marque. Comme l'a fait l'Anders Mark, je débarque avec un flot de barge et je te parle pas. Des nerfs que j'ai, ils me croient tous drogués au crack. C'est grave, en ce moment rien que j'en ai pas que. Je vais pas sucer pour voir mon CD dans les bacs. T'inquiète, je préfère que tu me dises ton son il est rage. Parce que si je la prends, ça sera gauche droite avec la rage. Moi je suis calme, mais faut pas me chercher. Et si je ricane, c'est pas mieux, c'est que tu vas finir perché. Cherche plus qui c'est RBL 135 R. Les putes à terre, mode de vie terre. On avance, on attaque, on cherche pas. Mental de gagner, on perd pas de temps. Mets ton place, combat. Tu veux nous tester, ça part. 1, 3, 5, sauvage et RBL. On avance, on attaque, on cherche pas. Mental de gagner, on perd pas de temps. En vélo ou en bolide, ce soir on sort, c'est la folie. Mets ton costard à la tonie. La vie nous a mis des claques, ouais. Alors on braque, on a les pros, on veut les E, nous. Alors on tac, ça pisse des claques. Ça pisse des sacs, ça répare ton cou, les gars la cagoule dans le 4-4. Un pur son de bâtard, tous anti-balles, tringue, mentalité barbare. Et les petits te rendent dingue, zing. RRR, belle, 1, 3, 5, 5. Pour tous nos blocs, tous nos gars, ça fait bang, bang. Ce soir on sort, mets ton costard à la Tony. Tu veux savoir si tu la sens plus, c'est qu'on t'a trop mis. Sur le terrain, c'est comme au quartier. Tous les coups sont permis. Si tu veux faire une tête, attends que tout le monde soit parti. Ici c'est trop vaillant, on veut la gagne, on faut que l'arbitre nous. On veut l'argent, on veut baiser, on veut tout prendre. Nous, et tout le temps. Et dis-toi si on rappe frérot, c'est juste histoire de passer le temps. La vie nous met des claques, on avance, on attaque, on cherche pas. Mental de gagner, on perd pas de temps. Mets ton place, combat. Tu veux nous tester, ça part. 1, 3, 5, sauvage et RBL. La vie nous met des claques, on avance, on attaque, on cherche pas. Mental de gagner, on perd pas de temps. En vélo ou en bolide, ce soir on sort, c'est la folie. Mets ton costard à la tonique. Troisième couplet, j'en place une pour si. Pour mes toxicos, ceux qui fument, vous si. Pour ceux qui veulent baiser, qui ont besoin de si. C'est clair. Ton coq, frappe, ouais, mec, si. J'ai trop de flanches, je les quitte, les MCC. Tu veux des news, je vais faire un tour dans mon site. Je viens de là où ça pique grave la peu. J'ai plus de rime en R, donc ça finit en paix. T'as vu le flow que j'ai, c'est normal qu'on m'en veut. Y'a du monde qui m'encourage à parler lâche les morts. Je rends hommage aux rappeurs de mon entourage. À ceux qui ont courage, à ceux qui m'encouragent. Je viens de là où ça tire pour l'oseille. Où ça sneak pour l'oseille. Où ça drape pour l'oseille. Mec, tu peux pas tester, tu l'as dit le cas où FS. Bang, bang, une dans la tête et deux dans les fesses. La vie nous met des tacs, on avance, on attaque, on cherche pas. Mental de gagner, on perd pas de temps. Mets ton casque, on part. Tu veux nous tester, ça part. 1, 3, 5, sauvage et RBL. La vie nous met des claques, on avance, on attaque, on cherche pas. Mental de gagner, on perd pas de temps. En deux roues ou en bolide, ce soir on sort, c'est la folie. Mets ton costard à la tonique. La vie nous met des claques, on avance, on attaque, on cherche pas. Mental de gagner, on perd pas de temps. La vie nous met des claques, on avance, on attaque, on cherche pas. Mental de gagner, on perd pas de temps.